J'ai vu les étoiles quand j'ai fumé sur le vélo. J'ai vu les étoiles quand j'ai fumé sur le vélo. Nous pousse pas sortir le métaux. J'ai vu les étoiles quand j'ai fumé sur le vélo. J'aime faire des tours de magie dans mon ghetto. À la tête ils font mal, doigt d'honneur je leur cale. Mais dis-moi c'est quoi ça? Ça pose qu'à l'oseille. Ah moi je vis comme avant, sauf que je fais de l'avant. Je fais dans mon ghetto. Je connais pas tous ces gars-là. Elle veut la photo mademoiselle. Prends pas ma voiture, décale-toi là. Elle veut la chambre à l'hôtel. Toute la nuit elle fait sa belle. Mais d'où elle sort celle-là? Tout le monde pisse le boulot qu'elle a. Moi j'ai vu des trucs sales, des problèmes salaces. Avec le temps mon corps gèle. Tu sens l'alcool. Mon pote t'es pas drôle. Ça se voit tu joues un rôle. Arrête de faire ta folle. Je fais le billet, je dois m'en aller. Je dois dégueu, je dois me régaler. Frère j'ai trop travail. Dans ma Twingo ça caille. Vas-y je les laisse tous brailler. C'est dans son clé mitraille. Ils n'arrivent pas à ma taille. Ils peuvent plus me faire la saille. Mais qui croit me faire peur? Mais qui veut ma peau? Vous n'avez pas de cœur, mais je vous en veux pas trop. Cette cardiaque ta jeep, pour aller faire du shift. La chicha ça passe au shit. La miss passe de ghetto à chic. On parle pas, on agit. Elle part toute seule la gif. Me fais pas la machine. Ce qu'on a même pas tu t'imagines. Sors un 7R, on choupe la bite. Te mêle plus jamais de ma vie. Tous les dégâts, j'mette la trique. Au bord de la falaise, j'm'agrippe. J'fais pas la star, j'fais pas le VIP. Y'a des BDH où j'habite. Y'a des bancs où j'habite. J'ai vu les étoiles quand j'ai fumé sur le dos. J'ai vu les étoiles quand j'ai fumé sur le vélo. Nous pousse pas sortir le métaux. Partie dans mon ghetto. Drop me.